الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن أهم موضوع في حياة الإنسان وفي حياة المسلم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فكما مر معنا، لا يكفي الإنسان أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد من تحقيق قيودها وشروطها وأركانها وواجباتها، فهي ليست فقط كلمة تقال باللسان. فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، وهو العلم المنافي للجهل بذلك. الثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه. الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. الرابع الانقياد لما دلت عليه، قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى قال العلماء أنها لا إله إلا الله. ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد لله بالإخلاص له. والخامس والشرط الخامس الإخلاص، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد بقولها مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة. السادس الصدق، وأن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه. السابع المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه، والمحبة لأهلها العاملين بمقتضاها. وزاد بعض أهل العلم والكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وركنا كلمة التوحيد النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فهنا الله سبحانه وتعالى on continue notre sujet autour de la parole de l'unicité لا إله إلا الله. Donc لا إله إلا الله ce n'est pas une simple parole qu'on prononce comme ça. Il est obligatoire dans l'attestation de لا إله إلا الله de réunir ses conditions et de mettre en application ses obligations et d'avoir et de bien comprendre les 2 piliers qu'il contient et de le réaliser, à savoir l'affirmation et la négation. Donc il est obligatoire dans l'attestation de la ilaha illallah de réunir 7 conditions, car il ne sera pas utile à celui qui la prononce sans ces 7 conditions. La première des conditions, c'est la connaissance. Connaître ce qui est voulu par le sens de la ilaha illallah. Et connaître la négation et l'affirmation que contient la ilaha illallah. Cette connaissance qui est l'opposé de l'ignorance. Deuxième condition, la certitude. Il faut que celui qui prononce la ilaha illallah la prononce en ayant la certitude sur la signification de la ilaha illallah et sur la signification de cette attestation. Hein? Il ne doit pas douter sur le sens de cette parole, car s'il doute, cette parole ne lui sera pas utile. La troisième condition, l'acceptation. Le fait d'accepter la ilaha illallah et les conditions de la ilaha illallah. Et il faut accepter les obligations de la ilaha illallah. Il faut accepter tout ce que ça implique comme adoration qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième condition, c'est se soumettre pour les obligations, être soumis aux obligations de cette attestation. Comme cela est prouvé par le verset dont la traduction approximative nous dit cela: quiconque soumis à Allah son être avec bienfaisance, saisit fermement la plus solide. L'urwa l'utqa, l'once la plus solide ici, comme on dit les hommes du science, c'est la ilaha illallah. Donc le verset nous apprend qu'il doit être soumis, que la personne doit être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Wa huwa muhsin, c'est-à-dire le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et la cinquième condition, la sincérité, c'est-à-dire purifier et nettoyer tous ses actes de toute forme de politisme, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Que la personne ne cherche avec l'attestation que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ses actes, qui sont les obligations de la ilaha illallah, doivent être voués uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas avec les pécunes de ce bas monde, ni la réputation, ni l'ostentation ou autre. La sixième condition, la véracité. Attester avec véracité et attester la véracité de cette attestation par son cœur. Attester la véracité de cette attestation, de cette signification et de tout ce qui l'incombe, toutes les obligations de cette attestation, l'attester avec son cœur. Attester sa véracité avec son cœur. Et la septième condition, l'amour de cette parole. Il faut aimer cette attestation et aimer les obligations de cette attestation et les conditions de cette attestation et aimer les gens qui mettent en application cette attestation. Et certains nombres de sciences ont rajouté une huitième condition qui est le fait de me croire et désavouer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Ils l'ont pris de ce verset-là. Et ceux qui croient en Allah et qui rejettent tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et renient tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les conditions qui ont été citées ont leur preuve dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas une condition qui n'a pas ses preuves dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant aux piliers de la ilaha illallah, ils sont deux. Ce sont les deux grands piliers du tawhid. La négation et l'affirmation. La négation, le fait de rejeter tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'affirmer l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الكرام، هناك من الناس من يظن أن التشديد في أمر التوحيد يختص بفئات من العلماء وأن هذا من المبالغة، وقد رد الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى على هذه الشبهة بقوله: قولكم إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدد في أمر الشرك تشديدا لا مزيد عليه، يقول رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى هو الذي شدد في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في موضعين من كتابه، وقال على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وفي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى، وغالب الأحاديث التي يذكر فيها صلى الله عليه وسلم الكبائر يبدأها بالشرك. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهنا الله سبحانه وتعالى certain personnes prétendent que la fermeté concernant le tawhid, ceci c'est juste l'affaire de certains hommes de science et que c'est de l'exagération. الشيخ بابطين عبد الله بابطين رحمه الله a réfuté cette énorme ambiguïté en disant vous prétendez que Cheikh l'Islam le Taymiyyah rahmatullah alayh a exagéré concernant le polythéisme d'une façon très grave. Non, c'est Allah qui a été ferme et a averti sévèrement contre le shirk et contre le polythéisme. Il est dit dans le verset qu'il a cité, rahimahullah, dont la traduction approximative nous dit cela, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue d'associer. Et dans l'autre, et dans deux autres endroits du Coran, par le biais de Isa, alayhi salatu wassalam, la traduction approximative du sens du verset nous dit, celui qui attribue un associé à Allah, Allah lui a interdit au paradis. Allah lui a interdit le paradis. Dans l'autre traduction approximative du sens du verset, et concernant, et ce message a été adressé à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, on ne peut pas imaginer qu'il commette de l'associationnisme. Et écoute, cela, ce verset, et cela doit attirer notre attention sur la situation dangereuse dans laquelle se trouve l'associateur et l'association dangereuse du shirk. Il t'a été révélé, le message est acquitté à Muhammad alayhi salatu wassalam. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, tous les prophètes, si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Et regarde autour de toi combien de perdants il y a sur terre qui vouent le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les versets sont très clairs. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens, nous dit « Mais si il lui avait associé quoi que ce soit, leurs œuvres auraient été vaines. » C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Dans la sunna, il dit rahimahullah, dans la sunna authentique concernant la fermeté de l'avertissement contre le polythéisme, les textes sont nombreux. Presque tous les hadiths où sont cités les péchés par le prophète alayhi salatu wassalam, où sont cités les péchés capitaux, tous ces hadiths commencent par l'avertissement contre le polythéisme, contre le shirk. Et quand le messager alayhi salatu wassalam a été interrogé, quel est l'énorme péché pour Allah? Il a dit que tu lui attribues un associé alors qu'il t'a créé. Donc nous devons avoir très peur de l'associationnisme. Avoir très peur de toutes les formes d'associationnisme, qu'ils soient mineurs ou majeurs. وَنَّتَأَمَّلْ عَظَمَةَ التَّوْحِيدِ إِخْوَةِ الْإِسْلَامِ وَمَكَانَتَهُ الرَّفِيعَ فَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانِ والحاكم وصححه الحاكم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على أن من قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص رجح ميزانه وحصل له الفوز بالسعادة في الدارين وهذا من فضل التوحيد ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يعلمه ذكرا يثني عليه ويتوسل إليه به فأرشده ربه سبحانه وتعالى إلى قوله قل لا إله إلا الله إلى قول لا إله إلا الله إذ هي أفضل الأذكار وأعظمها معنى ولأجلها خلق الخلق سبحانه وتعالى ولأجلها أرسل الرسل ولأجلها أنزل الكتب فهي ذكر ودعاء وهي الكلمة التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق به، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول ومطرود، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرد والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقول الله سبحانه وتعالى: إفكم ميدت l'immensité du tawhid de son importance. Il faut qu'on médite comme il se doit l'immensité du tawhid et les mérites du tawhid. Dans le hadith rapporté par Ibn Hibban et par Al-Hakim, Al-Hakim l'a authentifié, rahimahumullahu jami'an, selon Abi Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu arda, il dit que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Moussa a dit, ô Seigneur, ô mon Seigneur, apprends-moi une chose par laquelle je t'invoquerai et je te supplierai et je t'implorerai. Et il a dit, ô Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa a dit, ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah a dit, ô Moussa, c'est les sept cieux et ceux qui les peuplent, mis à part moi et les sept terres, étaient sur l'un des plateaux de la balance, et la ilaha illallah était sur l'autre plateau de la balance, la balance pencherait du côté où se trouve la ilaha illallah. Ce hadith prouve que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement, en étant véridique, il aura la félicité dans ce bas monde et dans le delà. Et son tawhid l'emportera sur le reste de ses œuvres. Dans ce hadith, il y a aussi la mise en évidence de la parole de l'unicité, et que rien ne peut égaler à cette parole. Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui apprendre une invocation avec laquelle il fera l'éloge à Allah et avec laquelle il suppliera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a orienté vers le fait de dire « La ilaha illallah ». Car c'est une invocation, c'est l'invocation la plus méritoire, dont le sens est immense. Et c'est une imploration, et c'est aussi une invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour « La ilaha illallah » que la créature a été créée. Et c'est pour la ilaha illallah que les messagers ont été envoyés. Et c'est pour la ilaha illallah que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les livres. La ilaha illallah est un dhikr et un dua en même temps. C'est la parole que l'imam du Hunafa, Ibrahim alayhi salatu wassalam, a laissé en héritage à sa descendance jusqu'à la fin des temps. C'est pour cette parole que les cieux et la terre existent, et c'est la saine nature aînée dans les créatures. Cette parole est la base de la voie droite et la base de la religion. Pour cette parole a été désignée la Qibla. C'est pour cette parole qu'a été légiféré le combat sur le sentier d'Allah. C'est pour le pur droit qui n'éduque qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, c'est le pur droit qui n'éduque qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette parole, la vie de la descendance, ainsi que sa fortune, la vie de la descendance d'Adam, ainsi que sa fortune et son honneur sont protégés dans ce bas monde. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fera ses comptes, hein, pour ce qu'il a œuvré. Cette parole sauve du feu, de l'enfer et du châtiment de la tombe. Sans cette parole, il n'y a pas d'entrée au paradis. C'est l'an solide qui من بغى الله سبحانه وتعالى celui qui s'y cramponne avec cette parole, les gens sont divisés en malheureux et en heureux. Ceux qui seront acceptés par Allah et ceux qui vont être rejetés de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec cette parole que se distingue la terre de mécréance et celle de la soumission de l'islam. C'est avec cette parole que se distingue la maison des délices éternels et du malheur éternel. Les obligations ainsi que les surrogatoires ne sont acceptés qu'avec cette parole, que s'ils sont basés sur cette parole. Et notre messager, alayhi salam, nous a annoncé dans le hadith, quiconque, à la fin de sa vie, prononce la ilaha illallah, rentrera au paradis. Il est évident que celui qui va la prononcer, c'est celui qui aura basé sa vie sur cette parole et qui aura mis en application ses conditions, ses piliers et toutes les obligations que lui impose la ilaha illallah. Kalimatu tawhid, la ilaha illallah, azimatu ma'na, taqilatu wazn, walakinahu wazn yakhtalifu bihasabi ma sadarat anhu. Falmunafiqu يتلفظ بها ولكنها لا تزن عند الله شيئا لأنه كاذب في قولها والمؤمن يتلفظ بها ولها وزن عظيم عند الله لصدقه مع الله فيها فلو وضعت السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأراضين السبع وما فيها في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن هذه الكلمة وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة فإن هذه الحسنة لا يوازنها شيء. Le sens de la parole de l'unicité est immense, frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une parole qui pèse très lourd, mais son poids varie d'une personne à une autre. L'hypocrite la prononce, il n'aura aucun poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un menteur. Il l'a prononcé avec sa langue et son cœur referme autre chose. Le croyant la prononce et il pèsera lourd auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le croyant est véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les sept cieux et ceux qui les peuplent à part Allah et les sept terres et ce qu'ils contiennent sont posés sur l'un des plateaux de la balance et là il y a Allah dans l'autre plateau de cette balance, ben la balance va pencher du côté de la ilaha illallah, car cette parole contient la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et le monothéisme, c'est la plus noble des œuvres. C'est la base de la voie droite. C'est la base de la religion. Celui qui prononce cette parole invoque Allah avec, il lui supplie en même temps avec. Cela prévoit à la personne l'expiation des péchés. Celui qui l'a dit sincèrement et avec certitude et met en application ses obligations et reste droit et ferme dans cela, dans les obligations de la ilaha illallah, rentrera au paradis. C'est la hasana qui n'a pas d'égal, il n'a pas d'équivalent. Rien ne peut peser le poids du tawhid. Abadan. Ruhu hadhihi al-kalima wa sirruha ifradu ar-rabb jalla thana'uhu bil mahabbati wat ta'zim wal khawf wal raja'. وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة فلا يحب سواه المحبة المقتضية للذل والخضوع، بل كل ما كان يحب فإنما هو تبع لمحبته سبحانه وتعالى ووسيلة إلى محبته سبحانه وتعالى. ولا يخاف سوى الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره سبحانه وتعالى، ولا يحتسب إلا به سبحانه وتعالى، ولا يستعان في الشدائد إلا به سبحانه وتعالى، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يركع إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه سبحانه وتعالى. ويجتمع ذلك كله في عبارة واحدة: ألا يعبد إلا الله بجميع أنواع العبادات، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. دونك فرون الله سبحانه وتعالى السكري لام دو سيخ بارول لا إله إلا الله سي دو ريزيرفي الله les éloges qui sont dus à الله سبحانه وتعالى avec amour et vénération et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qui s'ensuit, comme le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de déléguer sa situation à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant utilisé les moyens, et le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour qui implique la soumission totale. Cet amour qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui doit être aimé doit découler de l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être un moyen pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur adoration. Et on doit déléguer nos situations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit jurer que par ses noms subhanahu wa ta'ala et ses attributs. On ne doit se repentir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, on cherche l'aide dans les moments et les situations difficiles. Et on ne doit chercher la protection qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit s'incliner et se prosterner que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit égorger que pour Allah et selon le, et avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour lui seul subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci peut être réuni tout simplement dans l'expression de toutes les formes d'adoration doit être réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun souci. Wa na'lam 'ilma al-yaqin ikhwat al-islam. أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها والعمل بمقتضاها والسلامة مما يناقضها. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن قال له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي أفضل الذكر، ففي الحديث الصحيح: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللنساء وابن ماجه وغيرهما أفضل الذكر لا إله إلا الله. وللترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وللترمذي أيضا وحسنه وصححه الذهبي رحمه الله يصاح برجل من أمتي, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر, كل سجل منها مد البصر. ثم يقال أتنكر أتنكر شيئا من هذا؟ ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم, فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وتقلت البطاقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة, لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. وقال ابن القيم رحمه الله الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب, فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة, قال ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة والكثير منهم يدخل النار بذنوبه, بل اليهود أكثر من يقولوها, والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا, فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد, وإلا فهم على سواء. ها خيون الله سبحانه وتعالى il faut qu'on ait la certitude que la ilaha illallah n'est bénéfique qu'à celui qui la prononce, n'est bénéfique à celui qui la prononce que s'il connaît sa signification et qu'il met en application ce que implique cette attestation et qu'il s'éloigne de tout ce qui annule cette attestation. On a dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, certaines personnes disent que celui qui dit « La ilaha illallah » rentrera au paradis. Il a dit, rahimahullah, regardez ceux qui ont compris « La ilaha illallah ». Il a dit, rahimahullah, celui qui l'a dit et réalise ses droits et ses obligations entrera au paradis. Celui qui l'a dit, qui réalise les droits de « La ilaha illallah » et les obligations de la ilaha illallah rentrera au paradis. Wahb ibn Munabbih a dit à celui qui lui a dit n'est-ce pas que la ilaha illallah c'est la clé du paradis? Il a dit certes, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé a des dents. Si tu ramènes une clé avec des dents, il t'ouvrira. Et sinon, il t'ouvrira pas. Hein? C'est ce qu'il voulait avec les dents. Les conditions de la ilaha illallah, les obligations de la ilaha illallah, les piliers de la ilaha illallah, on ramène avec la prononciation de la ilaha illallah ces conditions et ces piliers, la porte s'ouvrira. On les ramène pas, bah la porte restera fermée. L'imam Ahmad rahimahullah rapporte selon Abdullah ibn Amr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les nobles compagnons, selon le messager sallallahu alayhi wa sallam, que Nuh, lors de sa mort, a dit à son fils, je t'ordonne, je te conseille, je te laisse comme testament, la ilaha illallah. Car c'est les sept cieux et les sept terres sont mis dans un plateau de la balance. La ilaha illallah dans l'autre plateau de la balance, la balance penchera vers la ilaha illallah. Et si les sept cieux et les sept terres sont en forme d'un anneau, la ilaha illallah les aurait cassés et séparés. Hein, ça c'est le testament et le conseil que Nuh alayhi salatu wassalam a dit à son fils. Et qui est plus monothéiste que les prophètes alayhi salatu wassalam? Qui est plus digne du conseil que les prophètes alayhi salatu wassalam? La ilaha illallah, c'est la meilleure invocation. Dans le hadith authentique, la meilleure parole que j'ai prononcée. Le prophète a dit, la meilleure parole que j'ai prononcée, ainsi que les prophètes avant moi, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nasa'i ibn Majah et d'autres rapportent la meilleure invocation étant la ilaha illallah. Tirmidhi et d'autres rapportent le dua de mon frère, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit le dua de mon frère Dinnun qui disait la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ni digne d'être adoré que toi, hein, gloire à toi, pureté à toi, j'étais parmi les injustes. Et cela l'a sauvé des ténèbres. Combien de ténèbres dans lesquelles était Younous alayhi salatu wassalam. Le ventre du poisson, plus les ténèbres des fins fonds de la mer, regarde, et de l'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sorti. Pourquoi? Parce que sa langue. Hein, n'a pas arrêté de dire ce dua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. C'est pour ça que notre prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à tout un chacun qui est en détresse, qui se trouve dans une impasse, qu'il fasse ce dua parce que ce dua est exaucé. Tirmidhi rapporte un hadith qu'il juge hassan. Et Dahabi rahimahullah authentifie ce hadith aussi. Le messager a dit un homme de ma communauté sera appelé devant toutes les créatures. Tout le monde le regarde. Hein? Vous imaginez le jour de la résurrection? Et cet homme sera appelé devant tout le monde et tout le monde regarde. Hein? Un homme de ma communauté sera appelé devant toutes les créatures le jour de la résurrection. Et lui sera étalé 99 manuscrits. La longueur de chaque manuscrit, c'est la perte de vue, l'horizon. Chaque manuscrit est, dont la longueur est ainsi. Hein? Et lui sera dit, est-ce que tu contestes quelque chose de cela? C'est-à-dire, toutes tes œuvres là qui sont inscrites dans ces manuscrits, est-ce que tu les contestes? Il y a quelque chose que tu contestes? Et il dira, non Seigneur. Et lui sera dit, est-ce que tu as une excuse ou est-ce que tu as une hasana? L'homme est effrayé. Il dit non, Seigneur. Elle lui sera dit, certes, tu as chez nous une hasana. Aujourd'hui, tu ne subiras aucune injustice. Et on lui sort une bitaka. C'est comme une forme de carte visite. Tu vois, les petites bitakas là. Hein? Une bitaka, c'est-à-dire une petite carte. Hein? Marqué dessus l'attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le soumis et le messager d'Allah. L'homme dira, que vaut cette carte devant tous ces manuscrits, 99 manuscrits, une petite carte devant. Hein? Et lui sera dit, tu ne subiras aucune injustice. Les 99 manuscrits seront posé sur un des plateaux de la balance et la carte comportant l'attestation de foi sur l'autre plateau de la balance. Et la balance penchera vers la bitaka, vers la carte dans laquelle il y a marqué l'attestation de foi. Cheikh l'Islam nous explique cela pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté et qu'on comprenne le contenu de ce hadith. Cheikh l'Islam nous dit, ce n'est pas toute personne qui prononce l'attestation qui sera dans cette situation, c'est-à-dire dans la situation de l'homme de la bitaqa. Il a dit, car le cœur de l'homme, de cette petite carte, renferme du tawhid et de la certitude et de la sincérité, ce qui lui a prévalu que son monothéisme a pris le dessus sur tous les péchés. Hein? Ça, c'est la compréhension saine de nos pieux prédécesseurs, wallah alayhi. Hein? Que cela, pour ne pas s'endormir, pour ne pas avoir d'ambiguïté, hein? Khlas, j'ai dit la ilaha illallah, khlas. Je rentre au paradis. La abadan akhal islam. Obligatoire. Les conditions de la ilaha illallah, obligatoire. La sincérité, obligatoire. La certitude, obligatoire. Hein? La véracité, et ainsi de suite. On comprend de cela que cette grande faveur accordée à la formule du tawhid ne sera accordée qu'à celui dont le cœur est fortement attaché à cette parole, celui qui est sincère et véridique, qui n'éprouve aucun doute au sens de cette attestation et qui croit cette attestation et aime cette attestation. L'effet de cette parole et sa lumière augmente intensément dans son cœur et brûle en contrepartie ses péchés. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, la distinction entre les œuvres ne se fait pas par leur nombre, ni par leur aspect. Ne se fait pas par leur nombre, ni par leur aspect apparent. Ce qui distingue les œuvres, c'est ce que renferment les cœurs. C'est ce qui est renfermé dans les cœurs qui va distinguer et qui va faire la différence. Il dit, rahimahullah, l'aspect apparent des œuvres est identique. Et on voit, comme s'il nous dit, ah, vous voyez des œuvres, des personnes accomplir des œuvres dont l'apparence, ils sont identiques. Et entre les deux, il y a la différence qui existe entre le ciel et la terre. Entre les deux, il y a les différences qui existent entre les cieux et la terre. Et il dit, médite le hadith de la petite carte. Il a dit, tout monothéiste, il a cette petite carte, la carte de l'attestation. Hein? Il dit, beaucoup parmi eux iront en enfer. Et une fois qu'ils sont purifiés, après ils reviennent au paradis parce qu'ils sont monothéistes. Et il dit, rahimahullah, les juifs font partie de ceux qui prononcent beaucoup la ilaha illallah. Et il dit, celui qui est en divergence avec cette parole, tout en la prononçant, sa mécréance est plus grave que celui qui la rejette à la base. La mécréance d'origine, hein, le mécréant d'origine, et dans une situation moindre que l'apostat. Enfin, des paroles sont toujours, tous en danger. C'est juste pour te montrer que les situations sont très dangereuses. Hein? Ou à l'Tirmidhi. Ou à l'Tirmidhi, wa hassanahu, rahimahullah, an Anas, radiyallahu anhu, qal, sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, qal Allah ta'ala, يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. دل هذا الحديث حديث أنس على سعة فضل الله سبحانه وتعالى وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره للذنوب. الحديث يقول لا أتيت بهذه الذنوب من الأرض بالذنوب ثم مت حال كونك أنك لا تشرك بالله شيئا. وهذا شرط ثقيل, هذا شرط ثقيل في هذا الوعد, شرط ثقيل في حصول هذه المغفرة وهو السلامة من الشرك. قليله وكثيره، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. وخراب الأرض ملء الأرض، فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. وفيه سعة كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وكثرة تواب التوحيد وتكفيره للذنوب. ولنكن على يقين أنه ما لم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى فلا تقبل صلاة ولا زكاة ولا يصح صوم ولا حج ولا دعوة ولا يزكو أي عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا لم يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعين ولا دعاء الصالحين، ولو كان الداعي سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا أمر خطير، أمر الشرك وأمر النفاق، أمره أمر عظيم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم، ودعاء لا ينفعهم بشيء. الترمذي رحمه الله rapporte le hadith d'Anas que Tirmidhi juge que c'est un hadith hasan. Et le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, donc c'est un hadith qudsi dont la traduction approximative nous dit cela: ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés pesant autant que la terre, puis tu me rends compte sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai à toi avec autant de pardon que ne pèse la terre. Ce hadith contient la preuve de l'abondante récompense du tawhid et qu'il expie les péchés aussi nombreux qu'ils soient. Et cela signifie: si tu meurs sans avoir donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras le pardon d'Allah. Et c'est une condition qui est très lourde. Être dépouillé de toute forme d'association, de politisme majeur ou mineur, ne sera épargné de cela que celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, un cœur soumis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et épargné de toute forme de polythéisme. Imaginez celui qui vient avec le tawhid et aussi avec l'équivalent de la terre en péché. Allah lui pardonne s'il a complété son tawhid, si son tawhid il était complet et s'il l'a réalisé sincèrement pour Allah avec toutes ses conditions. Cela l'empêchera de rentrer en enfer et d'être châtié. Car tawhid dépouillé de toute forme du shirk efface tous les péchés, même s'il pèse autant que la terre. Et cela nous prouve l'immense générosité et la générosité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'immense récompense du tawhid. Donc il faut tenir à notre tawhid et le réaliser et vérifier toujours ce qui se passe dans nos cœurs pour ne pas altérer notre monothéisme. Il faut avoir la certitude que tant que le tawhid n'est pas réalisé et que l'adoration n'a pas été réservée exclusivement pour Allah et qu'il n'y a pas eu une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, aucune prière, aucun jeûne, aucune zakat, aucun pèlerinage, aucune da'wa, aucun acte d'avoir ordonné le bien et blâmé le mal ne sera accepté. Donc, il faut qu'on dépouille nos œuvres de toute forme de polythéisme et du shirk. Hein? Tous les actes avec lesquels on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'ils soient accomplis sincèrement pour Allah. Le verset, il est clair. Dans la traduction approximative, il nous dit cela. Mais s'ils lui avaient associé quoi que ce soit, leurs œuvres auraient été vaines. L'autre verset nous dit, dans la traduction approximative du sens du verset, en ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Et si le tawhid n'est pas réalisé et qu'il n'y a pas de sincérité, et qu'il n'y a pas de sincérité et de véracité, l'intercession des intercesseurs ainsi que le dua des vertueux ne servira à rien du tout. Même si c'est l'intercession et le dua des meilleurs des prophètes et des plus méritoires des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on médite le verset qui s'est adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont la traduction approximative nous dit cela, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et même si tu le demandais 70 fois, jamais Allah ne leur pardonnera. Il faut savoir que le terme 70 fois n'est pas voulu. Hein? Cela signifie un grand nombre. Hein? Les Arabes emploient souvent les chiffres, mais ils ne veulent pas le chiffre en lui-même. Hein? Donc regarde, si tu implores Allah 70 fois pour eux, ou plus ou moins, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas. Parce qu'ils n'ont pas accompli tout simplement ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux. Ils n'ont pas accompli le monothéisme pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés. Fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, أن يوفقنا وإياكم لتوحيده ونجعلنا وإياكم من الذين يحققون التوحيد ويحققون المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله